Tu viendras, toi l'étranger, tu diras que tu n'es pas comme je le crois. Il te dira qu'il est comme toi. Alors pourquoi ne regarde-t-on pas vers le même pas, en avant tout toi l'étranger, étrangeté qui se dessine. C'est de mes voeux que je t'appelle, c'est de mes voeux que je te regarde, pas à pas, comme pour dire que je suis comme toi. Étrange, n'es-tu pas un toi l'étranger? Quand tu viendras et tu diras que tu n'es pas, il te dira, toi l'étranger, quand tu viendras, toi qui n'es pas ce que l'on croit, c'est de mes voeux que je t'appelle, c'est de mes voeux que je te vois pas à pas, simplement pour dire que je suis comme toi, en avant toute toi l'étranger, étrangeté qui se dessine. C'est de mes voeux que je t'appelle, c'est de mes voeux que je te regarde, pas à pas, c'est de mes voeux que je te vois, simplement pour dire que nous sommes comme toi, humain dans le temps. Thank you.